La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, de la disparition des abeilles. Il suffit d'avoir un peu plus de 30 ans pour sentir que quelque chose a changé, que quelque chose manque autour de nous. Souvenez-vous de la route des vacances. Jusqu'au début des années 90, il était impossible de traverser le pays en voiture sans devoir s'arrêter toutes les deux heures pour éclaircir le pare-brise. Quelle que soit la route, quel que soit le trajet, des myriades d'impacts d'insectes maculaient bien vite les vitres et la calandre. Papillons, bourdons, sirfes, guêpes, diptères de toutes sortes s'écrasaient sur les voitures et sur les camions. Cette vie bouillonnante s'est comme évaporée. À la fin des années 2010, nous pouvons traverser le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ou les États-Unis de part en part. Les calandres de nos voitures sont obstinément propres. Cette disparition s'est produite en silence. Dans un laps de temps si bref qu'à l'échelle de l'histoire de la vie, il n'est qu'un battement de cils. Ces lignes que je viens de lire sont les premières d'un ouvrage intitulé « Et le monde devient silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes ». Il a été écrit par Stéphane Foucard et vient de paraître en librairie. Une coïncidence spatio-temporelle très étrange, qui en dit long sur les arcanes secrètes de l'espace-temps, à moins qu'une invitation en bonne et due forme soit passée par là, veut que Stéphane Foucard soit là devant moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Foucard, vous êtes journaliste et chroniqueur au Monde, spécialiste d'environnement et de sciences, et vous avez donc écrit ce livre, résultat d'une très longue enquête. Qu'est-ce qui vous a mené à ce sujet? Est-ce que c'est votre travail de journaliste qui vous l'a fait découvrir ou est-ce que c'est un questionnement plus personnel que vous avez converti en une longue enquête? C'est à la fois le résultat d'une expérience personnelle que chacun a pu faire, hein. En tout cas chacun âgé de plus de 30 ou 40 ans. Quoi. C'est mon cas. Et c'est aussi le fruit de, voilà, de 10 ans d'enquête sur ces sujets. 10 ans d'enquête, au terme desquels je me suis dit que en réunissant un petit peu tout ce que j'avais glané au cours de cette longue période, eh bien, il y avait là une histoire à raconter qui parlait à chacun d'entre nous. Quoi. Alors le titre c'est « Et le monde devint silencieux » et le sous-titre est au passé « Comment l'agrochimie a détruit les insectes ». Donc cette catastrophe dont vous parlez, elle est quasiment terminée? Alors, elle n'est pas complètement terminée. Hein. Chacun aura remarqué qu'il reste encore, bien évidemment, des insectes et qu'il en restera encore longtemps. Mais ce qui s'est produit d'une telle magnitude, d'une telle ampleur, qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a une grande part de tout ça qui est irréversible. On ne reviendra pas à une situation hantée, quelles que soient les mesures qui pourraient être prises dans l'avenir. Vous parlez d'un Armageddon des invertébrés. Ça veut dire qu'on a perdu la bataille et peut-être la guerre? On a perdu en tout cas une très grande bataille. Il y a le chiffre qui circule, hein, qui est issu d'une étude très bien conduite par des chercheurs allemands qui a été menée sur 63 zones protégées d'Allemagne et qui a essayé de déterminer l'évolution de la biomasse d'insectes volants au cours de 27 années, entre 1989 et 2016, indique qu'on a perdu à peu près les trois quarts, 75%, de cette biomasse, donc d'insectes au poids. Il ne s'agit pas de diversité d'espèces, etc. Il s'agit de la quantité de la masse totale d'insectes qui a disparu. En tout cas d'insectes volants, hein, c'est toujours important de faire ce genre de distinction, hein, qui a disparu en l'espace de très très peu de temps. Ce qui est quelque chose de tout à fait frappant, 75% de quelque chose qui représente l'un des socles de la chaîne alimentaire des écosystèmes terrestres, c'est un constat qui est absolument vertigineux. Et ça s'est passé très vite, comme on l'a rappelé, et pourtant on peut avoir le sentiment que ça ne s'est pas passé, parce que même si c'est très rapide, on n'arrive pas à voir le phénomène se dérouler en direct. Bon, 27 ans, c'est vrai que c'est comme je le dis dans l'introduction, c'est un battement de cils à l'échelle de l'histoire de la vie. Mais pour une vie humaine, eh bien, bon, 27 ans, on a le temps de s'habituer, hein, à la disparition progressive des insectes sur nos pare-brises. Mais chacun qui, quand on essaye de se reconnecter à des souvenirs, à ce qu'on a vécu dans le passé, et que parfois, voilà, on est mis en face d'une situation qu'on a, ou d'un lieu qu'on a connu il y a longtemps, ça vous frappe de manière extrêmement forte et brutale. Hein. Moi, j'ai découvert personnellement ce phénomène il y a quelques années, en retournant dans une maison de famille dans l'ouest de la France, où j'ai passé tous mes étés quand j'étais enfant, j'étais là avec mes propres enfants et rien n'avait changé. Il y avait toujours la même prairie qui était là, à côté de la maison. Et sur cette prairie, moi je me souviens très bien que quand j'avais une dizaine d'années, avec mes cousins, on jouait à attraper des bourdons, des guêpes, enfin toutes les bestioles qui pouvaient se trouver sur cette prairie. On les attrapait dans des bocaux de confiture et on s'amusait à les relâcher à l'intérieur de la maison. Ça nous amusait beaucoup de faire peur à nos parents. Et j'ai réalisé tout à coup que cette prairie était devenue complètement vide, quoi, et que ce lieu où je jouais moi quand j'avais une dizaine d'années était devenu une sorte de désert. Il y avait 2-3 bourdons et quelques abeilles et c'est tout, quoi. Alors Stéphane Fougard, en lisant votre livre, j'ai appris beaucoup de choses dont certaines m'ont inquiété, à la fois sur le fait que vous décrivez cette disparition très rapide des insectes et des abeilles, et puis aussi sur la façon dont les messages des scientifiques peuvent être déformés, ignorés, travestis, et qui empêchent qu'une politique basée sur la science puisse se mettre en place rapidement. J'avais le souvenir, moi, que cette disparition des insectes avait de... Enfin, je croyais en tout cas qu'elle avait de multiples causes, des causes que vous appelez alternatives, dont je peux donner quelques exemples. L'extension de l'agriculture intensive, les changements de la politique agricole commune, la fin des jachères, l'éclairage nocturne, l'arrivée d'espèces invasives, l'érosion de la diversité florale et des ressources nutritives des pollinisateurs, parasites, pathogènes naturels, changement climatique, urbanisation galopante, bétonisation des espaces naturels, pesticides, perte des habitats, drainage des zones humides, j'en oublie encore. Mais quand il y a beaucoup de causes, il n'y a pas de causes. Ben c'est ça le problème, c'est que ce qui s'est passé, hein, pour refaire l'histoire en deux mots, c'est que cette accélération vertigineuse du déclin de l'entomofaune, des insectes. L'entomofaune, c'est ? L'entomofaune, l'ensemble des insectes, quoi. Il y a beaucoup de mots étranges dans votre livre. entomofaune, entomologiste, enfin, ça se comprend. Cette accélération du déclin des insectes et des pollinisateurs, elle est concomitante, elle intervient à peu près au moment où on introduit une nouvelle génération d'insecticides en agriculture, des insecticides qui sont très particuliers, qui sont ce qu'on appelle les néonicotinoïdes. Alors le nom est assez imprononçable et on, en général dans la presse, on lui préfère le sobriquet de tueur d'abeilles. Ou de néonique. C'est le mot qu'on va retenir pour la suite de l'émission, si vous voulez bien. Ou de néonique. Et ces produits diffèrent de ce qui a précédé. D'une part, par leur toxicité extrême. Et quand on dit toxicité extrême, je peux donner une image très simple pour comprendre l'ampleur de cette toxicité. Vous prenez 1 gramme d'imidacloprid, 1 gramme, donc quelque chose que vous ne sentez pas au creux de donc votre main. Donc l'imidacloprine. Imidacloprine, qui est un néonique. C'est le premier de tous les néoniques, hein, c'est celui qui a servi de modèle à tous les autres. Donc 1 gramme d'imidacloprine peut tuer autant d'abeilles que 7 kilos de DDT. Donc quelque chose que vous ne portez pas à bout de bras, versus quelque chose que vous ne sentez pas au creux de votre main. Donc on est D'où vient cette puissance, cette efficacité destructrice de ces molécules ? Et ce sont des molécules qui s'attaquent au système nerveux central des insectes. Ce sont des neurotoxiques. Voilà, des neurotoxiques, exactement. Ce sont des dérivés de la nicotine, en fait. La nicotine qui est produite par les plantes pour se protéger justement des insectes. Donc il y a d'une part cette toxicité extrême, et d'autre part, leur mode d'application, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont appliqués directement sur les semences et qui sont appliqués de manière préventive sur des grandes cultures. Ce qui veut dire que, pour dire les choses simplement, on a transformé des paysages entiers en paysages insecticides. Parce que ces produits, une fois qu'ils ont été appliqués sur une semence, une graine, quand la plante va pousser, chacun de ces tissus, hein, des racines à la tige en passant par le pollen, le nectar, etc., chacun de ces tissus est imprégné par de petites doses de ces toxiques. Ça veut dire que ce qu'on met en terre aujourd'hui, Stéphane Fougard, ce ne sont plus des graines, comme je le croyais, mais des graines qui sont enrobées. Exactement, ce sont des graines enrobées. Alors, enrobées par ces substances. Par ces substances ou d'autres. Insecticides préventifs. Voilà, exactement. Ou d'autres, maintenant, on traite aussi avec des. Et des vous dites que ces néoniques sont des pesticides que vous qualifiez de systémiques. Qu'est-ce que ça veut dire systémique ? Systémique, précisément, ça veut dire qu'ils pénètrent en fait le système vasculaire, ou peu importe comment on appelle ça, de la plante. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont imprégner tous les tissus de la plante. C'est-à-dire que la plante elle-même va devenir insecticide. Donc tout devient insecticide finalement. Exactement. Les sols, les plantes, exactement, et tout l'environnement. Exactement. C'est un peu comme si vous mettiez au point une médecine à destination des humains, en expliquant qu'il faut, de la naissance à la mort, prendre chaque jour des antibiotiques pour éviter toute infection. Alors des médecins qui prescriraient ce genre de choses passeraient pour des fous, mais c'est exactement ce principe qu'on a appliqué à l'agriculture industrielle partout dans le monde développé. Mais l'argument c'était aussi de stabiliser les récoltes et d'empêcher les aléas météorologiques ou climatiques de les détruire, non ? En fait, il y avait quand même des arguments autres que celui-là. Il y a tout à fait des arguments autres, et le principal argument c'est un argument assurantiel. En réalité, les agriculteurs, en payant, parce que tout ça est payant hein, bien sûr, hein, en s'offrant ce genre de service, s'offrent en réalité une assurance chimique, c'est-à-dire qu'ils ont la garantie qu'aucun ravageur ne viendra détruire ou abîmer leur culture, sachant que dans la plupart des cas, il n'y a même pas de ravageur sur les parcelles. Donc on est dans un système qui pourrait très bien être remplacé. D'ailleurs, je le raconte dans le livre à la fin, il y a des agronomes qui ont mis au point des systèmes alternatifs avec des vraies assurances, c'est-à-dire au lieu de payer 30 ou 40 euros de l'hectare pour mettre une armure de néonique autour d'une semence, eh bien on ne traite pas. En tout cas, on ne traite pas avec ces produits et on verse dans un pot commun, dans un fonds assurantiel, une somme modique qui est en général de l'ordre de 10 fois moins que ce qu'on dépense en chimie. Et l'agriculteur qui perd sa récolte eh bien, est indemnisé. Alors depuis combien de temps on sait que ce sont ces insecticides qui sont la cause principale de la disparition des insectes ? C'est la question clé, bien évidemment. Parce que j'ai l'impression que c'est assez ancien, mais que cette vérité a eu du mal à percoler et à se traduire en décision politique. Ouais, tout à fait. C'est une histoire qu'on va raconter, mais est-ce qu'on peut dater déjà cette conclusion, cette première conclusion assez ferme des scientifiques ? Alors, c'est très difficile de parler de conclusion des scientifiques au sens large, parce que ce qui se produit... Des spécialistes, oui. Alors, les spécialistes, ça fait quand même longtemps, je dirais, au tout début des années 2000, on a déjà de bons éléments de preuves publiés dans la littérature savante hein, qui laissent suggérer que ces produits, organiser leur ubiquité dans l'environnement n'est pas forcément une très bonne idée. Alors pour toutes les raisons que j'ai dites tout à l'heure, mais en plus, pour une raison qui a trait à leur mode d'action particulier, qui est que leur toxicité chronique est de l'ordre de 1000 à 10 000 fois supérieure à leur toxicité aiguë. C'est-à-dire que en exposant continuellement des organismes à ces substances, on démultiplie leur caractère destructeur. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait inquiétant et qui est connu depuis, je vous dis, hein, probablement le tout début des années 2000. Mais si on transposait ce que vous venez de dire, Stéphane Foucard, à l'exemple du tabac, ça donnerait quoi ? Parce que pour mourir du tabac, d'un seul coup, il faut fumer, je crois, 150 paquets de cigarettes. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, si on fume un petit peu tous les jours, on peut aussi mourir, mais c'est de mort lente. Exactement. C'est en fait, toute la réglementation autour des autorisations délivrées à ces produits repose sur des mesures de toxicité aiguë. C'est-à-dire qu'on estime que on peut déduire de la toxicité aiguë tous les dégâts potentiels qui vont être produits sur l'environnement, sur les insectes, sur les pollinisateurs, les abeilles, etc. On comprend bien intuitivement que si on réglemente la cigarette à partir de la toxicité aiguë, c'est-à-dire en comptant le nombre de cigarettes qu'il faut fumer très rapidement pour mourir foudroyé, on ne va rien comprendre à ce qui se passe dans la population. Alors vous dites que c'est cette façon de raisonner qui a été appliquée au cas des pesticides. Tout à fait, c'est toujours celle qui est utilisée. Et là, vous dites que les gens qui ont vraiment étudié la question sont arrivés à cette conclusion assez rapidement, mais vous dites qu'il y a beaucoup de situations comme celle-là où une petite communauté de chercheurs spécialistes d'un sujet très précis parviennent à un consensus, tandis que les scientifiques de disciplines périphériques demeurent sceptiques et viennent contredire le message des spécialistes. On a vu ça à propos du climat, par exemple. Tout à fait. Oui. Où des gens qui n'étaient pas climatologues étaient sceptiques par rapport aux résultats des climatologues, sans être eux-mêmes spécialistes. D'où ça vient cette espèce d'enrobage de la vérité scientifique par des scientifiques qui disent autre chose que les scientifiques, on pourrait dire. Oui, c'est quelque chose qui est effectivement assez classique et qui est très, très caractéristique des sciences de l'environnement au sens large. C'est-à-dire que les sciences de l'environnement... Voilà, elle recoupe des domaines de recherche qui sont souvent un petit peu orthogonaux à d'autres secteurs d'activité. L'exemple typique, hein, c'est, comme vous l'avez dit, celui du climat, où on a une toute petite communauté qui sait très bien depuis la fin des années 70, parce que c'est une histoire ancienne, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en réalité, dès la fin des années 70, il y a un consensus très fort dans la petite communauté scientifique qui travaille spécifiquement sur les effets à long terme sur le climat d'activité humaine. il y a tout à fait un consensus sur le fait que ça va se réchauffer. Et c'est pas très compliqué à comprendre d'ailleurs. Hein. Si vous mettez des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, bon bah ça va intensifier l'effet de serre. Et si on intensifie l'effet de serre, on sait depuis Joseph Fourier, donc depuis le 19e siècle, que ça va faire grimper les températures. Arrhenius aussi. Et Arrhenius, oui, après lui. Mais donc voilà, donc c'est, ce sont des choses qui sont voilà assez, qui sont pas très contre-intuitives, mais qui vont à rebours de l'idée qu'on se fait très souvent dans les communautés scientifiques au sens large, de l'idée de progrès technique, du fait que la technique est là pour émanciper l'homme, qu'elle n'a apporté que du bien jusqu'à présent. Hein, mais c'est pas facile pour des scientifiques d'annoncer des catastrophes. Voilà, c'est ça. Parce que l'idée de progrès, elle s'appuie sur l'idée qu'on peut présenter du futur une image qui est à la fois crédible, parce que scientifique est attractive. Exactement. Et si elle ne l'est plus, Exactement. D'ailleurs, si on réfléchit un petit peu, cette défiance ou le fait que souvent des scientifiques portent un discours différent sur des consensus forts qui sont obtenus par des communautés qui travaillent sur les sciences de l'environnement, on pourrait dire que d'une certaine manière, la science, son mot d'ordre, je dis ça, c'est un petit peu caricatural, mais je crois pas que ce soit complètement faux. Le mot d'ordre, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors que les sciences de l'environnement, le mot d'ordre, ça pourrait être quelque chose comme « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a encore fait ?» Et du coup, la démarche intellectuelle, ce qui cadre les problèmes, ce qui va déclencher un travail scientifique, devient très différent. Entre rechercher les effets, souvent délétères et négatifs, des activités humaines sur l'environnement, et rechercher à produire de nouvelles activités humaines, on voit bien que là, il y a une sorte de delta, il y a un hiatus que, à mon avis, un grand nombre de scientifiques a du mal à interpréter, à saisir. Mais ça vient peut-être aussi, Stéphane Foucart, du fait que les sciences de l'environnement sont par définition des sciences transdisciplinaires. Or, personne ne peut être compétent dans toutes les disciplines, de sorte que on comprend pas forcément ce que dit le collègue, on n'arrive pas à l'intégrer dans son propre champ. Et donc, ça crée une sorte de confusion qui empêche les conclusions très tranchées. Oui, et puis il y a aussi un réflexe propre aux scientifiques qui est de dire attention, n'allons pas trop vite. Il est toujours plus dommageable de faire certains types d'erreurs plutôt que d'autres. Il est toujours plus grave, entre guillemets, quand on est un scientifique, de pécher par excès de crédulité plutôt que par excès de scepticisme. Et donc, c'est toujours, en quelque sorte, le scepticisme qui prend le pas sur ces questions d'abeilles, d'insectes, de pesticides, etc. Ce qui s'est produit, c'est que au moment où ces nouvelles générations d'insecticides arrivent sur le marché, sont utilisées à grande échelle dans l'environnement, les premiers à s'en inquiéter sont les apiculteurs qui voient qu'il y a quand même des soucis. Mais très rapidement, les fabricants de pesticides, les agrochimistes, vont avoir à cœur de financer de la recherche. Toutes sortes de recherches. Vieilles techniques. Vieilles techniques, exactement, qui avait été mise en place par l'industrie du tabac dans les années 50. Ce qu'on appelle la recherche leurre. C'est exactement. La recherche leurre ou la recherche de causalité alternative. Qui n'est pas forcément de la mauvaise recherche, parce qu'en fait, souvent, les choses sont caricaturées. On dit, oui, les chercheurs qui étaient financés par l'industrie du tabac, ou parfois aujourd'hui qui sont financés par l'industrie des pesticides, mentent, sont corrompus, etc., etc. Je crois que les choses sont beaucoup plus subtiles. Il y a énormément de très bonnes recherches qui ont été financées par Philip Morris, par British American Tobacco, etc. dans les années 60, des recherches sur le prion pathologique, des recherches sur les prédispositions génétiques ou familiales à développer des problèmes pulmonaires ou cardiaques, des recherches sur l'effet des nouvelles techniques d'imagerie médicale sur l'augmentation d'incidence des cancers, avec le surdiagnostic. Il y a énormément de très bons travaux qui ont été financés et promus en quelque sorte par l'industrie du tabac, mais l'ensemble de ces recherches ont quand même pour but de vendre des cigarettes. Exactement. Ces recherches, elles ont pour but de saturer la littérature scientifique de travaux, de papiers qui pointent tous dans des directions qui ne sont pas celles pointant vers le tabac. L'idée, c'est de trouver des arguments scientifiques pour procrastiner. Exactement. L'idée, c'est de trouver toute forme de cause alternative aux maux dont votre produit est... Et de vendre du doute, selon une formule célèbre. Et de vendre du doute, d'ailleurs, à ce propos, vous avez une phrase assez terrible. Vous dites, page 22 de votre livre, « L'échec de la lutte contre le changement climatique, c'est l'échec d'une médecine qui craint plus l'erreur de diagnostic que la mort du patient. C'est l'échec d'une médecine qui attend que le malade soit perdu pour commencer à le soigner. » Bah, c'est exactement ce qui s'est produit pour le changement climatique. Si vous regardez même les éditoriaux de la grande presse américaine en 1979, donc il y a 40 ans, eh bien vous voyez qu'il était absolument consensuel que le changement climatique allait se produire, que ce serait important, que ce serait grave, et que si on attendait de voir les premiers effets advenir, si on attendait de pouvoir mesurer l'augmentation de température due au changement, due aux activités humaines, due à, au forçage radiatif induit par l'émission des gaz à effet de serre, si on attendait ce moment-là, alors il serait trop tard pour éviter les effets majeurs du changement climatique. Tout cela est écrit en toutes lettres dans le rapport Charney, qui avait été commandé à l'époque par le célèbre rapport qui avait été commandé par l'administration Carter en 1979 à l'Académie des sciences américaines. Donc on savait, le savoir le plus pointu sur la question à l'époque savait que si on attendait de mesurer le changement climatique, il serait trop tard. Mais on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce qu'on sait, quand ce qu'on sait nous dérange. Absolument. Et là, ce qu'on voit avec ces fameux néonicotinoïdes, si on regarde... Vous êtes entraîné à le dire ou c'est moi qui suis simplement incapable? Non, je me suis entraîné à le dire. Et croyez-moi, quand vous allez en réunion au monde pour vendre un sujet sur ce genre de produits, il ne faut pas bafouiller. Et donc, ce qui se passe avec ces fameux néonicotinoïdes et leurs effets massifs sur l'environnement, c'est un petit peu du même ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas très étonnant que si vous organisez l'ubiquité dans l'environnement des insecticides les plus toxiques jamais synthétisés par l'homme, ça va finir par tuer les insectes. Ben oui, c'est sauf à croire que les mots ne disent pas ce qu'ils veulent dire. Exactement, exactement. Il y a quand même des cas où ça se passe mieux. Vous citez d'ailleurs un livre qui a été publié en 1963, écrit par une biologiste américaine, je crois, qui s'appelait Rachel Carson. Le livre s'appelle « Printemps silencieux ». Et c'est un livre qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Ouais. Je souhaite la même chose au vôtre. Et elle alertait sur les dangers du DDT. Et ça a eu un effet direct qui a été l'interdiction de ce pesticide. Alors, effet direct, je sais pas. En tout cas, c'est un livre, effectivement, qui a profondément marqué l'histoire des mouvements environnementalistes modernes. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ce mouvement, le mouvement environnementaliste, c'est clairement créé sur la question des pesticides et de l'agrochimie et de l'utilisation abusive qu'on fait de ces produits. Ce qui est intéressant avec le livre de Rachel Carson, c'est d'une part le fait qu'il a effectivement lancé ce mouvement environnementaliste. D'ailleurs, il y a quelque chose d'incroyable qu'on peut remarquer. Si vous regardez les bases de données de textes écrits en langue anglaise qui ont été numérisées par Google, si vous regardez l'expression protéger l'environnement, protect the environment. Cette expression apparaît en 1963, l'année de la publication du livre de Rachel Carson. Et c'est le mot environnement, c'est pas nature. C'est le mot environnement, protect the environment. Cette expression idiomatique, elle n'est quasiment pas utilisée avant 1963 en langue anglaise, et tout d'un coup, en 1963, elle devient couramment utilisée dans la presse, dans les œuvres de fiction, dans les revues scientifiques, etc. Donc c'est vraiment le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, c'est vraiment un livre qui, dans le monde anglo-saxon, a eu un impact énorme. Et comme vous l'avez dit, il a conduit, à peu près 10 ans après sa publication, à l'interdiction du DDT, le dichlorodiphényl trichloroéthane. Dans ce livre, Rachel Carson utilise le mythe de Médée, Médée, qui était la femme de Jason, si ma mémoire est bonne, et qui était jalouse des conquêtes de son mari, avait inventé une robe dite de Médée qui était capable de les tuer dès lors qu'elle les portait. Ouais. En quoi ça s'applique au cas de, en l'occurrence du DDT qu'elle prenait comme exemple, mais au cas des pesticides dont vous parlez vous-même? Alors le DDT n'est pas un pesticide systémique, comme le sont ces fameux néonicotinoïdes, mais déjà, en 1963, le principe de l'insecticide systémique est connu. Et déjà, Rachel Carson prévient dans son livre que le jour où on mettra en œuvre à grande échelle ce genre d'insecticide, eh bien, des choses très désagréables vont se produire. C'est écrit en toutes lettres dans son livre. Donc, c'était il y a plus de 60 ans qu'on le sait, en tout cas qu'on a de bons éléments pour le savoir. Et tout ça a été complètement ignoré, oublié. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire oublier que les insecticides tuent des insectes? Alors c'est une très bonne question. C'est le même principe que ce qui a été mis en œuvre par l'industrie du tabac dans les années 50. C'est-à-dire que la multiplication de causalités alternatives finit par brouiller la perception des risques associés à un produit. On sait depuis la première moitié du XXe siècle que les goudrons présents dans la cigarette sont cancérogènes. Et pendant 40 ans, on s'est demandé si mettre quelque chose de cancérogène dans les poumons, est-ce que ça allait vraiment induire des cancers. Bon, bah, on en est exactement là avec ces insecticides. Je crois que le discours scientifique, quand il est instrumentalisé, a un pouvoir de persuasion absolument considérable. Mais de quand date cette expression absurde, la science et le doute ? Parce que la recherche soit basée sur le doute, c'est presque un truisme ou un pléonasme. Mais en science, il y a des choses qu'on sait. On sait que la Terre est ronde, pas complètement ronde, mais elle n'est pas plate. On sait que l'atome existe. On ne sait pas tout sur l'atome, mais on sait que l'atome existe. Donc il y a des choses qui sont bien acquises et à propos desquelles on ne doute pas. Comment est-ce qu'on a pu distiller ce slogan qui fait que on peut relativiser toutes les connaissances et ne tenir compte dans nos décisions d'aucune d'elles ? Tout ça naît en fait hein, en 1953 aux États-Unis avec l'industrie du tabac. Il y a un mémo très célèbre, un mémo d'un communicant de Philip Morris qui explique que Philip Morris vend des cigarettes, bien évidemment, mais que le vrai produit, c'est le doute. Doubt is our product. Le doute, c'est notre produit. Parce que c'est la chose qu'on va produire qui va nous permettre de commercialiser, de continuer à commercialiser de la cigarette. Donc on confond corrélation et causalité, ou plutôt on montre que les corrélations n'impliquent pas des causalités. Exactement. D'ailleurs, dans les documents internes du tabac, on trouve des textes absolument stupéfiants où on cherche à éduquer l'opinion à des concepts scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant œuvre d'éducateur populaire, en quelque sorte, en éduquant la population aux réflexes mentaux des scientifiques, c'est-à-dire corrélation n'est pas causalité, etc., etc., etc., on va créer les conditions dans lesquelles on va pouvoir faire douter les gens. Alors évidemment, si vous avez une étude épidémiologique, une étude observationnelle qui montre que les fumeurs meurent plus probablement de cancer du poumon que les non-fumeurs, eh bien, vous pouvez toujours dire que corrélation n'est pas causalité. Une étude observationnelle ne peut jamais, ou quasiment jamais, démontrer la causalité. Donc vous allez, comme ça, pouvoir créer du doute, et du doute qui est enrobé, qui est rendu possible par le discours scientifique. C'est ça qui est toute la beauté, en fait, de ces manœuvres, c'est de transformer quelque chose qui est une vertu du scientifique, c'est-à-dire qui est le scepticisme constructif, c'est-à-dire chercher à reproduire des expériences, chercher à atteindre un niveau de rigueur très élevé pour pouvoir dire que tel phénomène est une réalité et telle cause est impliquée dans l'émergence de ce phénomène, pour pouvoir le dire avec certitude, il faut mettre en œuvre ce moteur de la science, en quelque sorte, ce scepticisme. Mais si vous le dévoyez, et c'est pas très compliqué de le dévoyer, eh bien vous pouvez faire douter de beaucoup de choses. Alors si j'ai bien compris ce que vous expliquez dans le livre, parmi toutes les causes possibles, qui étaient multiples donc, il y en a une qui quand même ressortait dans le discours des industriels, qui était que la disparition des abeilles était due à un parasite, le varroa, je crois, qui est de la famille des acariens. Tout à fait. Et donc on dit il y a une multiplicité de causes, mais parmi toutes ces causes, il y en a peut-être une qui est plus forte, ouais. Comme si c'était la vraie cause et les autres étaient secondaires. Exactement. Et c'est toute la beauté, je trouve, la beauté entre guillemets, hein, de cette histoire, c'est que quand les premières mortalités de masse d'abeilles surviennent aux États-Unis, hein, donc en 2004-2005, au passage 2004-2005, c'est exactement l'année où les néonicotinoïdes, oui, pardon, vont monter en puissance aux États-Unis, vont être utilisés sur les grandes cultures. Donc il y a une corrélation dans le temps là qui est absolument indéniable. Eh bien, du moment où ces mortalités de masse d'abeilles sont notées par les agriculteurs, eh bien les autorités sanitaires, les milieux agricoles et même les apiculteurs remarquent que leurs abeilles sont plus frappées par un certain nombre de maladies, dont ce fameux parasite, le varroa. Et alors, c'était pas forcément faux, et c'est pas forcément faux que leurs abeilles étaient en effet touchées par cette maladie. Mais ce qu'on a appris un petit peu plus tard, hein, par de la recherche fondamentale sur les interactions, les synergies entre l'exposition à faible dose à des insecticides et ces maladies, c'est que précisément, un des effets collatéraux de ces pesticides, de ces néonicotinoïdes, est d'affaiblir le système immunitaire des abeilles. Et donc, en réalité, on a vu une cause secondaire qui était visible et qui était connue des apiculteurs, être confondu en quelque sorte avec la cause primaire, avec la cause majeure. Donc c'est les insecticides qui les rendaient fragiles vis-à-vis de ces agressions. Exactement. Et depuis, il y a énormément de travaux qui ont été conduits sur la question et qui montrent, on a même le mode d'action, on sait que ça surexprime un gène qui produit une protéine qui va bloquer une partie du système immunitaire des insectes. Donc on sait très bien maintenant qu'il y a ce lien, hein, très fort entre l'exposition à ces produits et le système immunitaire des insectes. Et de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que toutes ces histoires qu'on a injectées dans le débat public sur la disparition des abeilles, ce sont les parasites, les mauvaises pratiques apicoles, etc. Ça, on voit bien que tout cela ne peut pas expliquer l'effondrement des populations de bourdons, qui ne sont pas élevés par des apiculteurs, les populations de papillons qui déclinent très rapidement aussi, les libellules, les cirfes, et tout, tout ce petit monde, en réalité, qui n'a aucun rapport avec, avec l'apiculture, ou un rapport très très éloigné, eh bien, décline plus vite encore que les abeilles domestiques. Donc le cas des abeilles n'est pas séparable de celui des autres insectes. Non seulement il n'est pas séparable, mais qu'il n'est qu'une toute petite partie visible, et visible parce que les abeilles sont des animaux domestiques, entre guillemets, qui fournissent un service aux hommes. Et c'est aussi un argument qui vient d'une anagramme pour vous. Ah. L'anagramme de disparition des abeilles, c'est des lois d'inséparabilité. Ah, c'est très beau. C'est le moment d'écouter un peu de musique et je crois que vous avez choisi un morceau de Nina Simone, Stéphane Foucard. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm Feeling Good de Nina Simone, voilà un titre que la biodiversité ne pourrait pas reprendre à son propre compte. C'est la chanson que vous avez choisie, Stéphane Foucard, il y a peut-être une raison autre? La première raison, c'est que j'adore Nina Simone, qui est assez triviale. Et puis la seconde, c'est que c'est une chanson qui parle aussi d'environnement. Quand on écoute les paroles, c'est pas uniquement quelque chose qui parle de l'émancipation des Noirs aux États-Unis. C'est aussi une chanson qui parle de... Voilà, on se sent bien aussi quand il y a des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et que les rivières s'écoulent librement. Et que les jardins ne sont pas des cimetières. Exactement. Alors j'ai dit tout à l'heure que j'avais appris beaucoup de mots en vous lisant. Imidacloprid... Thiamethoxam, Clothianidine. Vous en avez d'autres comme ça? Oh, pas mal, oui. Ouais. Ce sont tous des néoniques. Ouais. Je découvre en vous lisant que c'est en France que tout a commencé. Vous dites que la France a été le cercueil et le berceau des néoniques. Absolument, alors, oui. Comment a commencé cette histoire et comment est-ce qu'elle s'est terminée? Alors, elle a commencé très précisément en 1994, avec des alertes lancées par des apiculteurs dans l'ouest de la France. 1994, c'est-à-dire l'année d'après l'autorisation de ce fameux imidacloprid, hein, qui a été connu dans la presse sous le nom de sous son nom commercial de Gaucho. C'est-à-dire que vous traitez ces grandes cultures avec ce produit et l'année d'après, les apiculteurs voient des mortalités de masse et des phénomènes qu'ils n'avaient jamais observés auparavant dans leur rucher. Donc c'est une corrélation tellement forte qu'elle ressemble à une causalité. Alors, est-ce que c'est une causalité? La question est très bonne et ça a été mis en doute pendant très longtemps. Hein. C'était pas parce qu'on avait mis de l'insecticide que tout d'un coup les insectes avaient des problèmes. Donc ça commence en France en 1994 avec cette alerte. Et d'ailleurs quand on lit la littérature scientifique sur le sujet, c'est le point de départ en fait est celui-là. Et pourquoi le cercueil, donc le berceau, et pourquoi le cercueil? Bien, parce que c'est la France est le premier pays à avoir interdit l'utilisation de ces produits. C'était en 2018 d'ailleurs, avec des dérogations encore possibles jusqu'en 2020. Donc c'est à la fois en France que tout a commencé, et c'est là que tout s'arrête. Vous parlez notamment, Stéphane Foucard, du travail d'un chercheur qui s'appelle Jean-Marc Bonmatin. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? À quoi son travail a été décisif dans cette décision? Jean-Marc Bonmatin fait partie d'un petit groupe de chercheurs qui s'est colleté à cette question scientifique très rapidement à la fin des années 90, tout début des années 2000. En général, d'ailleurs, ces chercheurs, il y en a d'autres. Hein, il y a des gens comme Luc Belzin, Saline Rat, Marc-Édouard Collin. Donc Jean-Marc Bonmatin, Gérard Arnold, hein, qui est un apidologue du CNRS. Donc tous ces gens-là ont travaillé assez tôt sur le sujet. Souvent, ils ont passé des moments assez désagréables. Et Jean-Marc Bonmatin, un des apports de son travail à cette histoire, c'est d'avoir mis au point des techniques de chimie analytique très fines, très pointues, très sensibles, pour détecter des concentrations absolument minuscules de ces produits dans le pollen et le nectar. Du colza ou du tournesol. Et on a là un exemple assez frappant, je trouve, d'une rhétorique qu'on entend très fréquemment dès qu'il s'agit d'environnement, de chimie, de sciences de l'environnement, etc., qui est que très peu, c'est rien du tout, et rien du tout, ça ne fait rien. Et ce qu'a montré Jean-Marc Bonmatin, c'est que il suffisait de descendre un petit peu en sensibilité pour trouver des produits, du produit dans le pollen et le nectar, et que c'est toutes petites concentrations ont un effet. Et non seulement un effet, mais un effet important sur les abeilles. Mais vous dites à ce propos d'ailleurs que les pouvoirs publics semblent avoir déployé une très belle énergie pour éviter d'en savoir trop. Oui, mais ça c'est quelque chose qui est absolument consubstantiel de toutes ces... C'est l'idée que ce qui n'est pas mesurable ou difficilement mesurable n'existe pas finalement. Oui, et puis c'est aussi une réticence à produire certaines données. C'est quelque chose de constant hein, dans cette affaire. Il y a eu de la part des pouvoirs publics, de l'expertise publique, on peut dire, une faillite généralisée dans l'appréciation de la réalité du problème, dans sa documentation, dans le financement de travaux qui pouvaient mettre en évidence les problèmes qui étaient associés à ces produits. C'est quelque chose qui est absolument stupéfiant. Mais quand on produit des rapports, et il y en a eu beaucoup, qui ne tiennent pas compte des résultats scientifiques, ces rapports doivent finir par contenir des contradictions explicites. Oui, il y a des contradictions internes parfois assez amusantes dans certains rapports, en particulier par exemple un rapport d'expertise qui a été rendu public en 2009 par l'agence sanitaire française, à l'époque qui s'appelait l'AFSA, et dans lequel, quand on le lit, on comprend que le problème des déclins d'abeilles est clairement lié aux grandes cultures, puisque le rapport dit explicitement que ces déclins d'abeilles surviennent plus probablement à proximité des grandes cultures. Et on sait, de la même manière, parce que ce rapport l'écrit explicitement, que le phénomène s'accélère depuis les années 90, c'est-à-dire depuis la mise sur le marché de ces produits. Et on sait enfin, dans le même rapport, que les autres pollinisateurs déclinent également. Donc là, on a tout un ensemble de faits qui devraient pointer tous vers l'utilisation de ces nouvelles substances en agriculture. Or, le rapport conclut à une multiplicité de causes et toujours la même histoire. Exactement. Et liste une quarantaine de pathogènes naturels, de mauvaises pratiques apicoles, le changement climatique, l'éclairage nocturne, etc. Toutes ces causalités alternatives qui sont mises sur un pied d'égalité avec la cause qui est évidemment. Donc on arrive à ce paradoxe où on invoque la recherche comme prétexte pour ne pas tenir compte de la vérité scientifique. On fait exactement... Comme si un résultat futur pouvait démentir les conclusions déjà acquises. Exactement. On fait exactement ce que l'industrie du tabac, encore une fois, avait théorisé dans les années 50, c'est-à-dire « more research is needed ». Il y a toujours besoin de plus de recherche. Il y a une histoire très amusante, bon, amusante et à la fois et aussi triste, qui est que jusqu'au milieu des années 80, l'industrie du tabac a continué à financer des études pour essayer de voir si l'inhalation de la fumée de cigarette déclenchait des cancers chez les rongeurs. Or, on n'a jamais réussi à déclencher, en tout cas pas à ma connaissance, des cancers du poumon chez des rongeurs exposés. Mais on arrive à les faire fumer On les met dans des cages où ils sont effectivement soumis à de la fumée de cigarette en permanence. Et malgré cela, on n'arrive pas à déclencher de cancer du poumon. Donc, jusqu'au milieu des années 80, on a continué à sacrifier des rats pour ne pas trouver de résultats, alors que l'épidémiologie était déjà absolument claire sur le fait que la consommation de cigarettes augmentait les risques de cancer du poumon chez les humains. Donc, pourquoi continuer à faire plus de recherches sur les rats pour ne pas trouver de résultats Pour savoir si on peut vendre des cigarettes aux rats. La réponse dans tout le sens, c'est que ces recherches, quand elles étaient communiquées au public, remettaient une couche de doute, c'est-à-dire remettaient en doute le fait que, que le tabac était une cause majeure de cancer du poumon. Mais alors revenons aux abeilles, quel est le rayon d'action, je parle là du rayon d'action évidemment dans l'espace, d'une abeille butineuse? C'est un paramètre important pour juger justement de la toxicité de ces produits. Alors ça, ça fait partie des choses amusantes, enfin, amusantes ou consternantes de ce dossier. Une abeille, ça peut aller jusqu'à 5, 6, parfois même jusqu'à 10 km autour de sa ruche. Donc ça a un rayon d'action qui est très très important. Quand on regarde la manière dont les tests en plein champ, les tests réglementaires qui sont supposés évaluer les risques de ces nouvelles substances, des substances phytosanitaires d'une manière générale sur les abeilles, en général on teste ça sur 1 hectare. Donc par construction, on réduit de 3 ou 4 ordres de grandeur l'exposition potentielle des insectes quand ils sont en situation de grande culture. Donc mécaniquement, ces tests réglementaires n'évaluent potentiellement qu'un millième ou qu'un 1/10 millième de la dose réelle à laquelle vont être exposés les insectes au cours de leur vie. Mais est-ce que les abeilles, compte tenu du fait qu'elles ont une organisation sociale plus complexe que d'autres insectes, ne sont pas capables de résister un peu mieux au stress chimique qu'elles reçoivent? Alors ça, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Parce qu'elles disparaissent quand même moins vite que d'autres espèces. C'est ça qui est très inquiétant, en fait, Elles résistent, elles s'organisent, alors les apiculteurs trouvent des parades. D'une part, les apiculteurs peuvent multiplier leur colonie, et d'autre part, les insectes qui ont une organisation sociale très évoluée, très complexe, comme l'abeille domestique, ont tout un tas de mécanismes adaptatifs qui leur permettent de résister au stress bien mieux que les bourdons qui vivent en micro-colonies, que les abeilles solitaires, que d'autres organismes bénéfiques pour l'agriculture. Ce qui aussi nous amène à quelque chose de très perturbant et qui a à voir avec la manière dont on acquiert de la connaissance sur notre environnement. Si les abeilles ont été en quelque sorte le signal d'alarme, c'est pas parce qu'elles étaient les premières touchées. C'est parce qu'elles fournissent un service aux sociétés humaines. C'est-à-dire que c'est parce qu'elles rendent un service aux apiculteurs, en l'occurrence leur fournir du miel, qu'on a alerté sur la réduction des populations et le déclin des abeilles. En réalité, à partir du moment où les abeilles déclinent, ça veut dire que tout le reste des pollinisateurs sauvages décline encore plus vite. Et avant, peut-être. Et avant, à décliner avant, tout, oui. Tout à fait. Et vous voulez dire que si les abeilles étaient sorties indemnes de ces opérations industrielles, le problème ne se serait pas posé? Et moi, je pense qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à le voir. Je pense qu'on aurait peut-être même attendu une stérilisation quasi complète de l'environnement pour réaliser qu'il y avait un problème. En 2015, la coalition des académies des sciences européennes a fait un rapport très clair sur le sujet et qui alerte précisément là-dessus et qui enjointe à la Commission européenne et aux États membres de prendre d'urgence des mesures d'évaluation du risque sur autre chose que les abeilles. C'est-à-dire, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, un pesticide qui est mis sur le marché, on se moque de savoir s'il tue des bourdons, des papillons, on ne teste même pas la nocivité de ces produits sur ces organismes auxiliaires. Et donc, les académies des sciences européennes ont explicitement demandé au pouvoir politique de mettre en œuvre absolument ce genre de test, parce que précisément, les abeilles résistent bien mieux. Mais est-ce que les académies sont écoutées, en l'occurrence ? En l'occurrence, pas du tout. Vous dites, vous utilisez une expression très forte de, qui a été inventée par le philosophe des sciences Alexandre Coiré, vous dites que la vérité scientifique peut être victime de ce que lui appelait des conspirations en plein jour, c'est-à-dire de mensonges qui sont publiquement assénés. De mensonges ou de situations qui sont évidemment scandaleuses, et comme elles ne sont pas cachées, comme elles sont publiquement assumées, elles sont acceptées comme un état de fait qui n'est pas... On note le caractère scandaleux d'une situation, comme par exemple le fait que ces fameux protocoles de tests réglementaires dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont à l'évidence aveugles, c'est-à-dire qui ne détectent pas correctement les risques, ces protocoles sont construits par les agrochimistes. Donc vous avez un secteur industriel qui construit les protocoles ou qui co-construit les protocoles expérimentaux qui vont évaluer les risques de ses propres produits. Quand vous savez, que ces tests réglementaires vont être mis en œuvre par les industriels eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser des tests dont ils ont conçu le protocole pour évaluer les risques de leurs propres produits. Vous comprenez bien, n'importe qui, un enfant de 8 ans peut comprendre que la situation est extrêmement problématique. Mais comme tout cela est publiquement assumé, les régulateurs, le public, les médias ne s'en offusquent pas et laissent perdurer ce genre de situation. Je vais me faire l'avocat du diable en imaginant une expérience de pensée. Que se serait-il passé pour l'agriculture, l'alimentation mondiale, disons, si on n'avait jamais utilisé de tels pesticides ? Est-ce que les récoltes auraient été suffisantes ? Est-ce que l'alimentation aurait été garantie pour tout le monde ? Alors aujourd'hui, si on regarde dans la littérature scientifique le bénéfice pour l'agriculture de l'utilisation de ces produits, c'est presque rien. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu, voire pas d'études qui montrent un bénéfice réel sur les rendements en conditions normales d'utilisation. C'est quelque chose qui est extrêmement frappant et c'est même le contraire. C'est-à-dire qu'il y a en particulier une étude qui a été faite en Scandinavie qui montre que sur certains oléagineux, les rendements ont baissé depuis l'introduction de ces produits, tout simplement parce qu'ils détruisent trop de pollinisateurs et que certains oléagineux ont leur rendement qui augmente quand la diversité des pollinisateurs qui visitent les cultures est plus importante. Donc c'est un mal qui en plus a été inutile. C'est un mal qui a été... sans aucun bénéfice. Qui a non seulement été sans aucun bénéfice, ça dépend pour qui, mais il y a toute une chaîne de valeur en aval de la production de ces produits, en aval de l'industrie agrochimique, je parle des coopératives agricoles, etc., qui bénéficient économiquement de la commercialisation de ces produits. Mais au final, pour l'agriculteur, pour le consommateur, il n'y a eu aucun bénéfice. En tout cas, aucun bénéfice mesurable ou accessible et correctement évalué dans la littérature savante. Alors Stéphane Foucard, dans votre livre « Et le monde devint silencieux », vous parlez aussi de ce qui s'est passé à Bucarest. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode qui, je crois, a été important dans l'histoire ? À Bucarest, alors c'est un des nombreux épisodes à Bucarest en 2008 ou 2010, ma mémoire me fait défaut. Mais il y a eu une de ces réunions au cours desquelles des scientifiques d'agences réglementaires, de firmes agrochimiques, d'universités, se réunissent pour... 2009. 2009, voilà. Je vous ai lu. Pour redéfinir, en quelque sorte, ces fameux protocoles de tests réglementaires, qui sont une des causes du problème. Et ce qu'on voit, c'est que tous les groupes de travail constitués dans le cadre de cette réunion à Bucarest sont dominés par des chercheurs de l'industrie. Et ce qu'on comprend, c'est que toutes les décisions sont prises au terme d'un consensus. Et le seul fait que les décisions soient prises à l'unanimité, sans aucune considération sur la qualité scientifique du résultat, sur les références scientifiques qui sont citées, sur tout l'appareil probatoire qui est propre à la science, ce seul fait crée, par construction, des tests réglementaires qui sont aveugles. Et on truque les normes. Les normes sont clairement truquées. Elles sont aveugles. Donc les tests réglementaires sont aveugles. C'est quelque chose qui est reconnu par l'EFSA elle-même. L'EFSA, c'est l'autorité sanitaire européenne officielle. C'est l'autorité sur laquelle se repose, en théorie, la Commission européenne pour prendre des décisions qui ont trait à l'agriculture. Mais est-ce que pour l'étude de l'évolution de la biodiversité, il y a l'équivalent de ce qu'est le GIEC pour le climat ? Alors oui, c'est quelque chose qui est arrivé assez tardivement. C'est quelque chose qui s'appelle l'IPBES. pour la plateforme intergouvernementale de, sur les services écosystémiques. Et c'est en effet un organisme qui remplit pour la biodiversité à peu près le rôle que le GIEC remplit pour le climat. Et il est notable de voir que le premier rapport, le galop d'essai en quelque sorte, de l'IPBES, le premier rapport qui a été rendu par cet organisme, concernait précisément les pollinisateurs, et que le chapitre de ce rapport qui concernait les causes du déclin des pollinisateurs a été co-rédigé par une chercheuse qui était à l'époque salariée par l'industrie agrochimique, par Syngenta, pour ne pas nommer l'entreprise en question. Donc on voit que, à de multiples niveaux, l'expertise publique, la science académique a été contaminée, a été influencée par des conflits d'intérêts. Oui, tout à fait. Et la conclusion de ce chapitre qui s'intitule dans votre livre « Truc et les normes » est celle-ci. Lorsque la couardise et l'absence de clairvoyance entravent la mise en œuvre d'une politique fondée sur la science, il reste comme alternative la mise en œuvre d'une science fondée sur la politique. Et c'est très on dirait du Orwell. C'est très exactement ce qui s'est produit au cours de ce mois de juillet, là, 17 juillet. La Commission européenne et les États membres ont refusé d'appliquer la réforme de tests réglementaires que lui conseillait l'EFSA, donc cette fameuse agence réglementaire européenne, et lui a demandé de revoir sa copie à rendre en juin 2021. Donc, ne pouvant appliquer les recommandations scientifiques de l'agence, elle demande à l'agence de changer ses recommandations scientifiques pour être applicable. Mais lorsque ce que la science implique est tellement difficile à mettre en œuvre que finalement on est dans une situation qui ressemble à ce que Hegel appelait une conscience malheureuse. C'est-à-dire, on sait ce qu'il faudrait faire, mais c'est tellement impossible. Ça oblige à tellement de modifications de nos modes de vie, de nos pratiques, notamment dans le domaine de l'agriculture, qu'en fait c'est impossible et ça nous rend malheureux. On peut dire la même chose pour le climat. Ce que ça impose, réduction massive des gaz à effet de serre, c'est tellement difficile qu'on préfère contempler la chose avec fatalité. Oui, il y a certainement quelque chose de vrai là-dedans, mais sur la question climatique, je crois que la problématique est différente dans le sens où on est chacun, en tout cas dans les pays occidentaux et les pays riches, on est chacun responsable, en quelque sorte, de la situation. C'est-à-dire qu'on a chacun une voiture, on voyage, on mange de la viande, et on a des comportements individuels qui produisent la situation. Et on a chacun individuellement le sentiment d'en profiter. Là, en l'occurrence, les choses sont très différentes. Parce que, est-ce que c'est si difficile que ça de mieux réglementer les pesticides? À qui est-ce que ça va porter préjudice? Est-ce que ça va porter préjudice à chacun d'entre nous? Ou est-ce que ça va seulement porter préjudice à des fleurons industriels qui sont certes importants, hein, la chimie, l'agrochimie européenne, c'est un secteur de pointe, hein, Bayer, BASF, Syngenta, ce sont des grandes entreprises et qui représentent voilà, une capacité à l'exportation, des emplois, etc. Mais je crois qu'on ne peut pas dire que mieux réglementer les pesticides soit quelque chose de si difficile que ça. Mais en même temps, vous dites dans un article que vous avez écrit récemment dans Le Monde que des mesures faites en Suisse montrent qu'ils sont là pour longtemps. C'est-à-dire, même si on arrête de les répandre, ils sont installés dans les sols, dans les eaux, dans les plantes, d'une façon très durable. Ouais. Oui, tout à fait. Ce sont des poisons très rémanents, si on peut dire. Tout à fait. Mais c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il faudrait s'en débarrasser le plus vite possible, parce qu'effectivement, ce sont des poisons rémanents. Je crois qu'un des éléments de ce dossier qui est le plus terrifiant, c'est de penser que, et ça ce sont des chiffres qui sont les chiffres de l'industrie elle-même, c'est-à-dire ce sont des chiffres qui ont été publiés par des chercheurs de Bayer, les traitements de semences, donc ce qui enrobe les semences qui sont mises en terre, eh bien il y a entre 80 et 98% du toxique qui reste dans le sol. C'est-à-dire que la plante n'absorbe que entre 2 et 20% du toxique qui enrobe la semence. Tout est gâché. Le reste, alors il est gâché. Mais pas perdu. Il n'est pas perdu parce que tout le reste reste dans les sols où, évidemment, ça s'accumule. Et là où la situation est très problématique, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, ces produits sont systémiques. C'est-à-dire qu'une plante qui va, même une fleur sauvage, hein, qui va repousser sur des sols contaminés, va elle-même devenir insecticide, va elle-même se gorger du produit parce qu'elle va simplement pousser sur un sol contaminé. Donc là, l'exemple qui était donné dans la publication suisse en question, c'est celui de la clothianidine. La durée de demi-vie de la clothianidine, donc le temps nécessaire à la dégradation de la moitié d'une quantité qui est dans un sol argileux, par exemple, eh bien c'est 20 ans. Donc c'est absolument considérable et ça veut dire que, vu les quantités qui ont été utilisées jusqu'à présent dans l'environnement, on est parti pour payer cette imprudence pendant très très longtemps. Vous connaissez l'anagramme de poison très rémanent ? Non. Vous avez parlé de Bayer, poison très rémanent a pour anagramme entreprise Monsanto. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Absolument magnifique. Alors qu'est-ce que c'est que la solution que vous pourriez proposer ? C'est-à-dire que on parle aujourd'hui beaucoup d'open science. Il faut ventiler les publications scientifiques quand elles sont financées par des fonds publics. Est-ce que c'est une bonne parade pour éviter tout ce que vous racontez dans le livre et que vous avez résumé dans notre discussion, pour éviter qu'il y ait ces désaccords et ces non-prises en compte de résultats qui sont fermement établis? Alors, c'est pas moi qui le propose, hein. Moi, je suis qu'un modeste journaliste, mais il y a dans la communauté scientifique des gens qui ont pris leur responsabilité, des spécialistes de ces questions, qui se sont réunis à partir de la fin des années 2000 et qui, précisément, font œuvre de publication. C'est-à-dire qu'ils publient des grandes reviews, des grandes revues de littérature où ils rassemblent toute la connaissance disponible sur ce sujet, hein, sur ces questions. Ils rassemblent ça dans des grandes synthèses qu'ils publient dans la littérature scientifique pour donner à voir à la communauté scientifique, aux décideurs, aux journalistes qui y passent le temps nécessaire pour essayer de lire la littérature, pour donner tous les éléments de compréhension, la mise en perspective de ces problèmes. Donc c'est la communauté scientifique, d'une certaine manière, s'est déjà auto-saisie de cette question depuis longtemps pour utiliser la publication comme un instrument de lancement d'alerte, en quelque sorte. Et quel est l'accueil, justement, que reçoit votre livre de la part des différentes communautés dont il est question dans ces pages? Les industriels, est-ce qu'ils vous contactent? Est-ce que les académies vous contactent? Est-ce que les journalistes vous contactent? Quelle est la tonalité de la réception? Alors, c'est très difficile à dire parce que ça fait peu de temps qu'il est sorti. Non, j'ai pas de contact particulier avec les académies qui, à mon avis, sont très sceptiques, hein, sur ces questions. Les académies, historiquement, en France, sont extrêmement frileuses sur les questions d'environnement. Ils ne sont pas les premières à s'inquiéter, de, par exemple, du changement climatique ou des pollutions diffuses ou d'autres sujets qui ont trait à l'environnement. Les agrochimistes, bon, je crois qu'ils ne sont pas très satisfaits ou très contents de ce qu'il y a dans le livre. Bon, en même temps, tout est fondé essentiellement sur de la littérature scientifique publiée, donc c'est pas une déclaration politique ou idéologique, hein, c'est vraiment simplement qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature sur cette question. Voilà. Quant aux journalistes, bon, je pense que c'est quelque chose qui intéresse plus les journalistes d'ailleurs que les scientifiques, parce que tous les journalistes qui ont couvert ces questions au long cours, et moi compris, on a écrit des bêtises. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a été, à notre insu, un peu instrumentalisé. Moi, j'ai écrit des articles où je parlais du mystère du déclin des abeilles aussi tard qu'en 2012. C'est quelque chose que, sans doute, je n'aurais pas fait si j'avais mieux travaillé. Merci en tout cas, Stéphane Foucard, d'être venu nous parler de cette longue enquête à la Conversation scientifique. Le titre de votre ouvrage est « Le monde devint silencieux ». C'est l'idée que le monde qui était un truc faste est devenu à faune. Et d'ailleurs, quel est l'anagramme de « truc faste à faune » ? Je vous écoute. Stéphane Foucard. C'était la Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Olivier Dupré et à la réalisation Delphine Lemaire, que je remercie. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.